بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، on continue avec notre livre الحجاج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية. وأما المتابعة فقد دل عليها قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سورة الأنعام الآية 153. وقاله واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقوله وأتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. En ce qui concerne le suivi, cela est montré et prouvé dans certains versets où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens rapproché: certes, celle-ci est ma voie droite. Donc suivez-la et ne suivez pas les voies qui vont vous diviser de cette voie, c'est-à-dire de cette voie droite. Et sa parole, subhanahu wa ta'ala, est suivez ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur et ne suivez pas en dehors de lui des alliés. Et vous réfléchissez peu. Et sa parole, subhanahu wa ta'ala, essuie ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Nulle divinité à part lui. Et détourne-toi des polythéistes. Surat al-An'am, verset 106. Et le verset auparavant, surat al-A'raf, verset 3. Et sa parole dit: si vous aimez Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Et dans les deux authentiques où Aïcha radiallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui innove dans notre ordre, c'est-à-dire dans notre religion, alors que cela ne provient pas donc de cette religion, est rejeté. Donc cette chose-là, cette innovation, cette chose nouvelle est rejetée. Wa fi riwayati muslim, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc dans une variante de l'imam Muslim, rahmatullah, celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre ordre, c'est-à-dire de notre religion, est donc rejeté. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها كما أن حديث الأعمال في بالنيات كميزان الأعمال في باطنها. Donc الحافظ ابن رجب رحمه الله dit: ce récit prophétique est un fondement important ou un grand fondement parmi les fondements et bases de la religion. Il est comparable à la balance des actes dans ce qui est apparent, donc dans la balance des actes dans son apparence. De la même façon que le hadith, certes les actes ne valent que par leur intention, et aussi une balance pour les actes qui sont cachés. كما أن كل عمل لا يراد به وجه الله ولا يراد به وجه الله فليس لعامله فيه ثواب فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. Donc, de la même façon que chaque acte qui n'est, dont la face d'Allah Azzawajal n'est pas voulue, donc celui qui aura fait cet acte ne sera pas récompensé. De la même façon que chaque acte qui ne provient pas de l'ordre d'Allah Azzawajal et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam sera rejeté. Donc, sur celui qui aura fait cela. Car chaque personne qui innove dans la religion, là où Allah Azza wa Jalla n'a pas permis, ainsi que son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, donc cet acte-là ne fait pas partie de la religion en quoi que ce soit. قوله sallallahu alayhi wa sallam, ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن الأعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. Et sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, donc ne fait pas partie de notre ordre ou de notre situation. Aywa, aywa. أيوة. Donc cela montre que chaque acte fait donc doit être donc sous les règles, doit être en vérité donc entre à l'intérieur des règles de la législation. Et que les règles de la charia, de la législation, vont juger ces actes-là par le fait de les ordonner ou de les interdire. Donc celui dont l'acte, et sous donc la loi, donc sous les règles de la législation, et qu'elles sont conformes à cela, donc ces actes-là sont acceptés. Tandis que celui qui sort de cela, donc son acte est rejeté. Donc, intaha karimuhu rahmallah, dans Jami' al-Ulum al-Hikam, donc tome 1, page 176-177. فمن أخل بالإخلاص فهو مشرك ومن أخل بالمتابعة فهو مبتدع. Donc celui qui n'est pas sincère, en vérité celui qui annule la sincérité, est donc un mushrik, un polythéiste. Et celui ici en vérité qui va, c'est-à-dire qui va amener à des annulations de cela, et celui aussi qui annule et qui n'amène pas en réalité donc le suivi, est donc un innovateur. Et donc un innovateur. وإذا تقرر أن الدعوة إلى الله عبادة فلا بد للداعية أن يراعي هذين الشرطين عند القيام بها liyakuna amaluhu salihan mutaqabbala. Si ici nous statuons que l'appel à Allah Azza wa Jal est une adoration, donc il est obligatoire pour le prêcheur de prendre en considération ces deux conditions lorsqu'il va donc prêcher, appeler Allah Azza wa Jal, afin que son acte soit pieux et accepté. Afin que son acte donc soit salih, soit bon, soit saint et soit accepté. يقول ابن القاسم رحمه الله في شرح التوحيد ولا بد في الدعوة إلى الله تعالى من شرطين. Donc ابن القاسم رحمه الله dit dans le شرح du توحيد. Donc c'est dans حاشية كتاب التوحيد. Donc il faut impérativement que dans l'appel à Allah Azza wa Jal il y a deux conditions. أولاً premièrement أن تكون خالصة لوجه الله تعالى لوجه الله تعالى qu'elle soit sincère pour la face d'Allah تعالى وأن تكون على وفق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم et qu'elle soit conforme à la sunna de son envoyé صلى الله عليه وسلم فإن أخل بالأول كان مشركا وإن أخل بالثاني كان مبتدعا. Donc, s'il annule, en réalité, donc s'il délaisse le premier, il est donc polythéiste. Et s'il délaisse le second, il est donc innovateur. ومن هنا جاء حرص السلف رضوان الله عليهم على إصلاح النية والعمل خشية الوقوع في هذان المحذورين العظيمين. Donc, à partir de cela, les pieux prédécesseurs ont donc ont prêté fortement attention radiallahu anhum par le fait de réformer l'insincérité et l'acte de peur de sombrer dans ces deux choses qui sont interdites, donc ces deux choses qui sont graves et interdites. قال عبد الله ابن مسعود radiallahu anhu إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولا نضل ما تمسكنا بالأمر. عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه dit certes nous prenons exemple dans ceux qui sont venus avant nous et nous n'innovons pas, nous n'allons pas être nous les premiers à amener quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu. Nous suivons et nous n'innovons pas. Et nous ne nous égarerons pas tant que nous ne serons accrochés à l'ordre, c'est-à-dire à ce qui est de la religion. À la religion. أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل الحديث. Donc, rapporté par اللالكائي dans شرح اعتقاد أهل الحديث. رحمه الله تعالى. 1.86. وأخرجه الأجري في الشريعة عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا لا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل إلا بقول ولا قول وعمل إلا بالنية ولا نية إلا بموافقة سنة. La parole n'est profitable qu'avec l'acte. Donc ne sera profitable qu'avec l'acte. Et l'acte ne le sera qu'avec la parole. Et ni parole et ni acte, qu'avec l'intention. Et pas l'intention qu'avec la conformité de la sunna. Qu'avec la conformité de la sunna. Wa qala Muhammad ibn Sirin rahmahullah كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر. Donc Mohammed ibn Sirin, rahmahullah, tabi'i qui dit, ibn Sirin, donc parmi les grands tabi'i qui dit, certes, ils voyaient qu'ils étaient donc conformes à la voie, tant qu'ils suivaient les traces, Donc, elle suivait en vérité donc, ce qui leur a été rapporté de ceux qui étaient avant eux. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن مطرف ابن عبد الله ابن شخير أنه قال صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصحة النية. Donc il dit ici, donc c'est Abu Nu'aym qui rapporte, donc de Matraf ibn Abdullah ibn Shukhair, qu'il dit, la réforme du cœur est par la réforme de l'acte. Et la réforme de l'acte est par, donc, la sainteté, donc le fait que l'intention est saine, que par, donc, la pureté de l'intention. وأخرج ابن أبي دنيا في كتاب الإخلاص والنية عن ابن عجلان أنه قال لا يصلح العمل إلا بثلاثة donc إلا بثلاث donc il dit التقوى لله والنية الحسنة والإصابة donc ابن أبي دنيا donc dans le livre intitulé الإخلاص والنية où Ibn Ajlan rapporte que l'acte ne sera pas réformé qu'à travers trois choses. La crainte d'Allah, donc la crainte pour Allah Azza wa Jal, la bonne intention et la réussite. Dans le sens ici, le fait de la conformité, le fait d'être conforme à la sunna. Wal athar an as-salaf as-salih في الباب كثيرة جدا وإنما المراد هنا الإشارة لا الحصر والاستقصاء donc il y a énormément de preuves dans ce chapitre là mais ici ce qui est voulu c'est le fait de montrer donc et de faire allusion à certains points à certaines paroles mais non par le fait d'avoir englobé toutes les paroles بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته